Bonjour. Bonsoir, les amis. Samuel, bonjour. Bip, bonjour. Black, c'est passé, bonjour. Beryl, bonjour. JMK Pro, bonjour. Cédric, bonjour. Merci. Jean Flux, bonjour. 243. Ah, on a aussi des noms comme ça. Bonjour, oui, Pasteur Damien Lukoki. Bonjour, vous êtes au Canada, je pense, oui. Pasteur Damien Lukoki. Bino, ma pasteur, ma prière, Nabino. Ça ne va pas, hein? Pasteur Damien Lukoki, I look like who? Yerodia? Pasteur, sous la pembeni, j'allais vous demander au fou Kamanacho Mabokona Bondelayo, au nom de Jésus. Le pasteur Damien qui est au Canada me dit Nazalokola. Nazomo à l'okola Yerodia. Alors, ce qui a la pembeniawa, na sengi na ya fukamana bonde la ponaye, na mo nette mo limo ya IDP se bandi au côté la ye. Oh my goodness. Naza l'okola Yerodia Ndombasi. Abdoulaye Ndombasi. Ça me rappelle encore. Hein? Ça me rappelle encore un jour, je partais à la Sonas sur Avenue du Commerce, Nakitaki na marché central, et Ponakota na Kendina ville sur Avenue du Commerce, je vois Abdoulaye Herodia Ndombasi qui sort na boutique Moko. Je pense que c'est là qui boutique Moko a copine naya. Hein? Alors il sort comme ça et je le vois juste en face de moi, il sort. Je lui dis bonjour. J'ai juste dit bonjour. Et il me répond, je n'ai pas de travail à donner. Oh. Alors, je n'ai pas compris, je suis parti. Et après analyse, il me dit, n'a pas si mbote, bonjour. Et il me répond, Azana voilà. Merci, merci les amis, merci Ponako Zalawana. Merci Tohu Melamingite, Lelo, merci. Et juste pour Kakana Congo Nabiso. Ah oui, merci Pasteur Damien, juste pour Nagile. Ah bon. Naoutaï Kozana Réunion, la veste est là, moi et Tolongola. Na lekim l'outil à communication tout cela, donc je n'ai pas eu le temps de me débarrasser de tout ça. Na outi ko za na réunion moko il y a presque 3 heures. 3 heures, il faut la mouka awa très tard au lalité parce que ceux qui sont en Amérique, Bazali na Moi. Ceux qui sont en Océanie, Bazali déjà na dimanche. Oh, Bazali pe na Corée dimanche. Alors, osa départager na katia ba air, ba fuseau horaire. Il dit quoi notre ami ici? Excusez-moi. Excusez-moi, la première fois que j'essaye de vous saluer en direct. Merci pour votre aimable coucou. Ah, merci. Voilà, donc, Naza est un peu fatigué. Mais tout discuter un peu sur Mboka Nabissou. Et donc, à Liboso, tout le monde discuté, ils allaient. Tu es belé, Bazali Koye Baté, et même nous-mêmes, nous sommes en train de chercher des informations sur ça. Il y a la présence de l'armée française sur notre sol. Et on se demande ce qui se passe exactement. Comme vous savez que Bato Oyo Bazali censé communiquer biso ko pesa biso d'informations. Ils ne sont pas préparés à koyeba comment faut-il ko pesa information na ba Kolomboka parce que la population en réalité tozali ba Kolomboka. Alors les gens croient que ceux qui ba tcheyo comme président de la République, ceux qui ba tcheyo comme ministre, ceux qui ont commis ba voté comme député, c'est-à-dire que Ozalina obligation, mon côté devant peuple. C'est ça le problème avec les Congolais, les politiciens congolais. Les politiciens congolais, ceux qui ont la commission populaire, ceux qui ont voté comme député, ceux qui ont nommé comme président, ceux qui ont nommé comme ministre, c'est-à-dire vous n'avez plus compte à rendre à la population. Alors, pour passer information, il faut pas bonder la yo. Pour passer information, il faut tout d'abord recourir à la rumeur, parce que chez nous, les rumeurs, elles ont une information exacte. Tout éviter que parmi les obligations vis-à-vis du peuple, ils allaient couper sa information sur la vie Yamboka. Alors, Félix se croit dans un royaume, même si ils allaient dans un royaume, tu un royaume ébélé. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de couper sa Congolais information sur quelque chose qui se passe dans le cannabis. Ils sont obligés de aller payer naïe. Personne n'a contraint de à payer cette information. Donc, couper cette information, ils allaient volonté naïe. Ce qui Félix a lingé à payer cette information, à payer Sabino. Ce qui a lingé à payer Sabino information, paye à couper Sabinoté. Vous allez na droit à couper naïe en côté. Même ce qu'on appelle les députés. C'est-à-dire que Baza obligé de payer sa bino information. Et peuple paye à Zomona que oui, Baza n'a droit à Bango, ils allaient mandat na ye, bo, même si vous votez, ils allaient choix na ye, à payer sa bino information, bien à payer sa binoté. Mais on nous signale qu'il y a la présence de l'armée française dans l'est, Yambo Kanabiso. Dans l'est, Yambo Kanabiso, disons. Alors, est-ce que le pays. Bazo se sentir obligé de couper sa mission d'information, qu'est-ce qui se passe? Batu ya couper sa information, Bazali Banani. Bozo a déjà cacophonie na Batu o bakoubi couper sa information na présidence. Et vous avez suivi aujourd'hui, mais hier, oui, Lwakambo a été injecté. Biso makambuto lobaka, batu ya Félix, na Félix ye moko ba comprendre kango après des années. Ba o comprendre ango après des années, après 2 mois, ba o comprendre. Et pourtant, na tango a nommé batu na ye wana, nous avons dit des gens comme Lwakamboa. Moi, je l'ai dit na vidéo. Bandeko balanda kangai, ba koyi ko reconnaître yango. J'ai dit ça na vidéo. Que le monsieur comme Lwakamboa a mérité qu'au Zala, directeur, il y a communication, il y a presse, il y a présidence. Félix a été nommé Lwakamboa parce que, un, d'abord, Lwakamboa Zali Moulouba. De deux, Lwakamboa Zali qui n'a téléphone, n'a smartphone, n'a pas États-Unis. Et si qu'a abandonné qu'au Salamoua ba vidéo, Azali qu'au Salamoua ba. Analyse, c'est ce qui a fait, c'est ça le CV de Lwakamboa pour a mérité fonction, il y a directeur, il y a presse, il y a présidence. Formation, mon côté. Lwakamboa, chance et Lokopamba, il se voit bombardé directeur, il y a presse, il y a présidence de la République. Banda mukolo liboso Lwakamboa azala esika wana. tout ce qu'il publie de la présidence où il y a président na bango, c'est de la foutaise. Mais tout le monde qui moutou mon côté a ya attaqué présidence ou a attaqué le Wakamboye Moko, quand votre président va goûter biloko kolia na balabala, na Europe de l'Est, Lokambo mouta kangi ba photo, Lokambo kozo ba photo wana achango na net, biso to récupérer yango na net, to analyser yango, mais batu oyo ba kozo akofinga ezali biso. Moto o akangi photo te, moto o a publié yango te. Président de la République, soi-disant, abundi na mwasi na ye. Ba betani ba coup de tête, mwasi a su mubali na liboko, mubali a beti mwasi coup de tête na lipeka, dégâts, et outi na présidence. Et outi na présidence, ngai banda na botama na komana na présidence ya Congo te. À l'époque de Mobutu, natiko koma na présidence esika Mobutu azalaki te. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, natiko koma na esika Laurent Désiré Kabila azalaki te. À l'époque de Josephou, natiko koma na présidence kuna te. Alors comprenez que ce qui bo moni to publier biloko ya présidence, et où tu es pas en Haïti? Et où tu es la présidence qu'on a? Bagarre entre président na Mwassinaye, Bango moko ba bimisi yango, biso to récupéré. Alors, batu yako finga ezali biso, au lieu ba finga président ye moko. Au lieu ba finga Mwassi a président, Bango bazali ko finga biso. Mais Félix Azali ko joué na bande konaye avec le peuple congolais. D'abord, Nathan Wakoum, Bapessier présidence, a multiplié ba service na présidence. Presse, communication, informatique, IT. Tout ça a multiplié ma service juste pour accommoder bande konaye ya tribu na ye, à accommoder bango que tout le monde a zwa musala. Et maintenant, il revient à ce que nous disons que biloko na ye wana, tous ces services qu'il a multipliés, ezali na tina mon côté. Il revient maintenant, il fusionne direction ya presse. Na direction la communication. Nyonso wana a multiplié. Il garde de personnes, mais a fusionné. Donc, batubauti na presse, na obauti na communication, a sangisi bango, et komi organe moko. Mais batubazali, c'est comme l'union sacrée qu'il a faite. Oyo bauti na FCC, oyo bauti na cash, a fusionné bango, a komisi yango union sacrée, Congolais a beti maboko béton. Sans le savoir que Ezali, excusez-moi, Ezali eloko moko. Congolais a zali ko sepela, Congolais a zo beta maboko. Et l'okotoyoki, Lwakambo a été promis à kopesa ça y est musala na esika mususu. Mais na côté ya presse, Lwakambo s'est vanté journaliste à partir des États-Unis, il les mettait je pense na partir à Washington. Lelo oyo yemoko aye komona que même si Azali idiot, il a remarqué que en tout cas Lwakambo non, non, non, non, non. Il ne mérite même pas qu'aux Zala, même na organe, il y a presse, à Kombo, là, organe à presse. Parce que ce qui est ma papier, quoi, il doit savoir qu'au classer ma papier, on a eu et qu'aux Zala, outil na place nini. Oui, outil na place nini. Mais, et l'autre intéressant, il y a un colo, il y a un tous ces milouvores. Bon, toloba, la plupart, yaba milouvore oyo babande ko yemba bazana ba chaîne na bango, ils commencent à comprendre makambo biso tolobaka. Na moni moko a un petit garçon là la taka lunette comme ça kataka suki soki ndenge nini. Azali parmi batu le plus farouche o babande ko attaquer biso. Mais aujourd'hui, à Léli na monoko yambuka. À Léli, bango ba bandi comprendre que non, tribalisme oyo eleki makasi. Tribalisme oyo ezali ko mema makambo na ndenge ya mabe. Na koyi ko lobate ke na Congo tribalisme ezala jamais, tribalisme ezala na Congo. Oui. Mais ezalaka ba mema yango na noté au niveau présidentiel. Ba mema nanu yango te. À l'époque de Kasavubu, comme vous le savez, maturité penza ezalaki mingi te na ba leader na biso politique. Tribalisme ezalaki. Mais batulokola ba Lumumba, batulokola ba Kasavubu, ils ont tenté un peu, y a copé sa image que non, Lumumba azali premier ministre national. Azala ki premier ministre ya Kasaïti. Azala ki premier ministre ya batete la te. Et bravo na batete la, totiko komona, lo lendo ya boyete vis-à-vis ya ba Congolais moussous. Mbuta Kasavubu, idem. Toti komo ate Mbuta Kasavubu a se présenté comme un président régional, un président né Congo. Avec Laurent Désiré Kabila, to monite, ba chwayili ya manono, ba moni la ba Congolais, mais... Hélas, avec Félix Yemoko, d'abord, un président qui s'identifie par sa tribu. Ezalakate, na monde. Ce que vous allez vous identifier na tribu na yo avant ba pesa yo présidence ou bien avant ba voter yo, mais dès lors que vous devenez président, vous êtes un président national, vous n'êtes pas un président tribal. Mais Tomoni Félix, na Europe, na ba télévision internationale, qui s'identifie na tribu na ye, on attaque ma tribu. Ma tribu est massacrée. Ma tribu est attaquée. Na tango ba ye ko vérifier, moutou mokote a tribu na ye a zoya tambata. Moutou mokote a tribu na ye ba bengani. On massacre ma tribu a kikwit. Ti lelo ba milouvor nyonso. Personne a ko yi ko pe sa identité a moutou o azaraki, même moutou moko azaraki tuye na kikwit. On attaque ma tribu à Goma. Ti lelo personne. Akoyi ko pesa kombo ya mutu moko oyo ba attaque na Goma ya tribu na ye. C'est-à-dire que le tribalisme oyo e mati na Congo, dénominateur commun nango ezali kombo na ye ezali Antoine Félix Tshilombo. Mais Congolais azo mona nango normal. Je disais ne bandeli que avant na kota makamba communication na ya kolobela lwakamboa, je disais que il y a la présence de l'armée française na mboka na biso. Il y a que Félix mutako pesa biso explication. Nani a bengi bango et pourquoi bazali sika wana. Félix a pesa explication te parce que oyo bazali déjà na kati wana, Félix a pesa explication te. Les Rwandais sont là. Les Ougandais sont là. Félix a une perception explication. A fortiori, l'armée française. Je disais que ce que vous m'avez dit sur YouTube, Nalobi, le président tribaliste et népotiste, et Zali Kaka en vain, boyete. Je pense que je l'ai déjà dit, mais na kozonge la yango. Avant na zonge la, quelques noms, il y a parmi ba 1000 personnes au Félix Ayé na bango na présidence. Je disais quelque part que bato nyonso ba bazalaï ko beta maboko, ba djaloliste, ba fanakwiti, ba milouvor, ba taliban, bandeko ya chidingi-dingi, ba bandi siko ko lamuka, ba komi ko comprendre que leur frère a koti si bango na bouzo ba moko il fallait pa bazala. Leur frère azali idiot. Ça c'est vrai. Ata bo tchenga revolver na motu. Ngai jusqu'à la preuve du contraire. Félix Atikali nan ko convaincre ngaïté ki azali na ba faculté nyonso mentale ki azali na déficience intellectuelle. Mais ce que je vois ba agissement ko loba ya Félix misala ya Félix, ça prouve à suffisance que notre frère est un idiot. Yondeko, peut-être rataki mokolo maître na yo ya école primaire ya troisième atangisaki mo wana na vocabulaire atangisaki mo wana ya idiot soki rataki mokolo wana okendaki te zwa dictionnaire na yo tala idiot elingi koloba nini. Jusqu'à la preuve du contraire, mes chers amis, Félix Azali idiot. Ndenge tobandi boye 2 ans yango yo, personne n'a eu prouvé le contraire que Félix Aza idioté. Personne. Avant na kende na liste, il y a une vidéo na tombaki nango lobby. Une émission, je pense, il y a France 24. Je pense. Organisé par le journaliste M. Alain Foucault, je pense. Na quatre émissions, Anna, M. Alain Ayambi, président Idriss Déby, y a Tchad, Ayambi, président, y a Mali, Ayamba qui est un autre président, na quatre, Yohana Pé, Ayambi Pé, un soi-disant président qui s'appelle Félix Antoine Tshilombo. Na kati ya émission wana, il discutait sur conflit au Ezali na Sahel. Et le président nyonso wana babandaye ko répondre à ma question ya M. Alain. Ça concernait beaucoup ba pays ya Sahel. Il y a une question qui a été posée na Félix. Monsieur Alain a tout nié. Bien sûr que Makambo Oyezo le kana Sahel, Congo Bozali moi musika na Sahel, mais quand même ba biloko wana ba Sahel bazo vivre, Congo pe Bozali ko vivre yango ou bien bo viva yango. Réaction na yo ezali nini Monsieur Tshisekedi? Boyo ka réponse ya Félix. Alobi, oui. Biso to viva makambo wana, to zali ko vivre yango, e banda mingi mingi à l'époque post-coloniale, oyo, ba politicien na biso, maturité penza ezalaki te, alors cette période post-coloniale, eye ko memape ba conflit, c'est vrai. Et sika wana, il avait bien récité ce qu'on lui avait dit à cette époque, Zalaki, Monsieur Caméré. Il avait bien récité. Bravo à Félix. Mais si Kayeko Panza Makambo, même Alain Foucault, la réponse à Pesakiazong, c'est là qui est. Si Félix était intelligent, il devrait comprendre que Alain Foucault a taclé. Félix dit quoi? alobi ba conflit oyo après oyo ba conflit ya post colonial ba conflit mingi na mboka na biso même na région na biso ezali faute na biso ba Congolais. Bo fingangate, bo kende, je parle de la France 24, émission wana ezali. Alobi ba conflit oyo na biso na Afrique centrale mingi. Ezali faute na biso en partie, faute na biso ba Congolais. Aye ko expliquer yango. Alobi prenez par exemple le conflit ya Angola. Biso va tout provoquer yango. Biso, ça veut dire les Congo, les Zaïre, à cette époque. Aye kopé ça conflit à Rwanda. Alobi biso, ba Congolais. Naébite soki bandeko na biso ba milouvor. Ba yebi loko ba bengi continuité de l'État. Na relations internationales. Et loko oyo ba prédécesseur na yo ba salaki au nom de l'État, par exemple. S'il faut défendre l'État, yo mutoye sikoyo, il faut o défendre l'État. Aujourd'hui, l'Angola peut se dire, le Rwanda peut se dire, bon, na tango ya Mobutu biso toyebaki te, nzokande conflit ya Rwanda, ezali ba Zaïrois batu basalaki yango, nzokande conflit ya Angola, ezalaki ba Zaïrois batu basalaki yango, l'Angola et le Rwanda bakoki koporte biso plainte. Parce que témoignage wana, évidence oyo, moutou apesi yango ezali président de la République. C'est que na tango azwi pouvoir, il a découvert na archive que oui, les Congo, les Zaïre, a contribué na conflit à Rwanda. Les Zaïre a contribué na conflit à Angola. L'Angola, na Rwanda, bazali, na obligation yako porter biso plainte. Et les Congo doivent se justifier. Ndenge nini bosalaki conflit à Rwanda, ndenge nini bosalaki conflit ya Angola. Bozomona esika na lobaka toujours que notre frère azali idiot. Et Aleph Oka a répondre, a tacler dans Dengenin. Aleph Oka a lobby, oh, même si Batou est belé, Balobaka Kaka, Batou Nyoso, Balobaka Kaka, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous ces conflits-là, mais c'est la première fois, Nayoka, un président qui dit c'est nous. Si Félix était intelligent, il devait comprendre pourquoi Aleph Oka l'a taclé dans Fasoana. Naba conseiller à Félix. Na yemoko, personne n'a compris. Personne n'a compris. Parce que, en réalité, ce que nous savons, les conflits, il y a Rwanda, il y a moto yebisaka bino ke, même moto lingi yete, même moto wana moto na yeo lingi yango te. Mais si cette personne a écrit, Tanga. Tanga sur biloko na ye nyonso akomi, peut-être koyi kozala contre na 80%. Peut-être 20% koyi kozala pour et 20% peut-être koki ko éduquer yo et koyi ko instruire yo. Tout ce que je parle na yebite longwa awa. Ezali awa na livre na biso na livre ya kulutu na biso Honoré Mbanda. Il y a quelqu'un qui me dit souvent, mais pourquoi tu dorlotes Honoré Mbanda? Moi, je ne dorlote pas Honoré Mbanda. Je sais qu'Honoré Mbanda travaillait dans le régime ya Mobutu. Mais quand je parle souvent d'Honoré Mbanda, c'est parce que j'ai lu ce qu'il a écrit. Il n'a rien inventé. Alors, pourquoi c'est ça, nous, les Congolais. Biso ba Congolais, ce qui va lingi yo te, ndenge to yaka boye. Na ye kaka, vidéo na bandi kaka mbote bandeko. Oyebite na ye pourquoi? Kofinga e bandi. Il y a trois ou quatre personnes baza toujours na simananga na inbox. Ba yaka na public te inbox. Soyi kako cité Kombo Honoré Ngbanda. Bango bako ya inbox. Professeur, vous me décevez. Pourquoi vous citez les noms de Ngbanda? Ngbanda a contribué, Ngbanda est responsable, Ngbanda, Ngbanda, Ngbanda, Ngbanda. Mais là où Ngbanda a travaillé, M. Yezu Kitenge aussi était dans le régime. Tshisekedi aussi était dans le régime. Étienne Tshisekedi. Baza ebele. Pourquoi Bato Moussou Souté Kaka Honoré Ngbanda? Moi, quand je parle d'Honoré Ngbanda, je parle de lui par rapport à Yaba écrit naïe. Je suis un scientifique. J'ai lu. J'ai vérifié. J'ai attesté que c'est une vérité. Nalinga Honoré Ngbanda, nalinga yete. Naloba Honoré Ngbanda mwindo eleki makasi, azala pembe, azala mwindo, azala mukuse, azala mulayi, azala na mubutu te. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il a écrit. Alors, to longwana na mentalité wana. Moutou nyonso aza na opposition, kamounaye nyonso, il faut rejeter yango. Oza na tan ya kotala yango te. Bien que peut-être ma kamounaye ko yiko instruire yo, ko yiko tala yango te. Vous avez suivi l'autre gars là de l'UDPS que j'ai répondu la fois passée. Parce que balingi e longi nanga te. Na UDPS ma milouvor balingi e longi nanga te. Il s'est satisfait lui-même en disant que soyez dans la banne au Bazali, ben étudiant ya yombi l'investisseur dans le Congo la bango. Mais azo ignorer que banne ya ba coréen c'est bouscule pour baya ko zwa cour nanga. Les parents interviennent. Oh to bengi override. C'est-à-dire que nombre ya ba étudiants est coquille. Par exemple, que na niveau il y a master, il y a doctorat, au cas où il y a étudiant plus il y a 20 été ou plus il y a 30 été. Mais au moment étudiant, il y a lingi kaka na cour na yo, luka au kote saye, parce que d'une façon électronique, ce qui nombre à étudiant est coquille, comme il y a belé est coquille, le système n'accepte plus étudiant. Alors les étudiants viennent pour que vous bango d'une façon manuelle. Override. Ozo abango d'une façon manuelle. Les Coréens se bousculent. Et voilà un gars qui souffre na Kinshasa. Bananaye bazo galéré. Et moi, nazo bourse na Corée. Papa wana ke ne ko retire mwana parce que na kati ya université wana yombi atangisa kuna na longola bango. Voyez le kuta. Alors, ngai quelqu'un de l'UDPS, a koyi ko koma eloko na tangi eloko ya malamu. Soki ezali malamu na kondima yango ezali ya malamu. Soki ezali ya mabe na kobo yango ezali ya mabe. Mais la culture congolaise, soki olingi mutu wana te, soit mutu wana azo supporter Fayulu, batu ya Félix nyonso bakotala mutu wana te, bakolanda ye te, bakondima eloko moko te. De même na batu ya Fayulu. De même, bon, je cite juste le nom. De même, na bato qui s'est dit bato y a opposition. Mais non. Moi, je ne dorlote jamais, M. Honoré Ngbanda. Bato oyo bazali pembeni ya Honoré Ngbanda. Oyo to discutaka na bango, ba yebi ba position na ngai. Ba yebi yango très bien. Alors, il faut qu'on dissocie Babilo, que l'on a écrit à Boye. na la personne ya mutuana. Alors, je disais donc namboka na biso conflit rwandais est allé provoqué par Bissoté. Il faut dire ça, Félix. Le conflit rwandais n'est pas provoqué par les Zaïrois. Zaïre est allé qui pays na katia ba pays nyonso. Zaïre est allé qui na ba relation na ba pays e belé. Na katia ba pays wana, le Rwanda est allé qui na kati. Ba pays moussou est allé qui na kati. Lelo oyo, Félix a zali ko coopérer na Kagame. Soki na Rwanda kuna génocide mususu e salami parce que ba ko kende sou na génocide mususu. Soki salami. Alors il faut blâmer qui? Il faut blâmer le Congo parce que Félix a zo coopérer na Rwanda? Mais non, le conflit rwandais a été préparé, a été pensé par les Rwandais contre les Rwandais. Génocide rwandais Ezala qui pensait par Barouandais, contre Barouandais, perpétré na Rwanda, sur le sol rwandais, ba victime rwandaise. Bisokoutou batouto zali, toko yikolo bake lelo. Le Rwanda a provoqué un conflit au Congo. Mais Félix fait l'inversion de valeurs. Dans une télévision internationale, non, le conflit rwandais, zali pe biso ba congolais, ba zaïrois. Le conflit angolais, zali pe biso. Nada ebi sanga ke moutou ya boya zali idioté. Atombra mousapi. Qui peut me dire ke moutou ya boya zali idioté? Atombra mousapi. Bon. J'ai parlé de ma conseiller à Félix. Na kozonga lisusu na tanga quelques combos. Tozali na madame Ntiaka Mpamupanu au Azali Dirkap chargé à infrastructure na ressources humaines. Hydrocarbures, énergie et technologie. Yokan denge a pesa ka bandeko pesa bango ba grade. Tozali na Guilain Niembwe. Dirkap chargé à questions économiques et de la reconstruction. Deza yango ba reconstruire nini. Bon, na kotanga bakombo pona ko perdre de tenter. Jean-Claude Kabongo, Vidie Chimanga, Badibanga Kabongo, Bestine Kazadi, Alexandre Kayembe, Chantal Yelo, Dominique Mingisha, Roger Kamba, Mossi Bondo, Nicole Boatia Ntumba, Christian Bouchiri, Daniel Massango, Marcel Kaloubi, Marcelin Bilomba, Marie Bompariki, Ambroise Kazambou, Muhala Matalatala, Mukeba Kalengai, Makutu, Kelly Lunda, Benjamin Bola, Teo Chilumba, Nicole Kazadi, Gérard Niafe, Yesu Kitenge, Pala Mafuta, José Mbouyi Kazadi, Masamba Kinwani, Tati Bilolo, Paul Moulamba, Paul Mundela, Miché Moulumba, Sylvain Kabongo, Jacques Ilunga, Pacifique Kasha, Clarisse Kankou, Simon Chiala, Gabin Kapena, Francis Kayembe, Taylor Lubanga, Lobo, Clémentine Tshibola, Mélanie Tambango, Bibiche Kabengele, Fortuna Bisélé, Claude Bukassa, Freddy Kangudia, Boba Ankombe et Lwakamboa Oba Outikolongola. Balongoli était Babenganaye, il est là. Liste d'attente, Azoz et la fonction Moussousou. Giscard Koussema et j'en passe. Nakatiwana soki botali liste oyo na tangi. Liste ezali ebele ya batu 1000. On peut prendre peut-être 2 journées pour to tanga liste ya batu wana nyonso to pesa bino explication. Mutu na mutu azali na fonction nini, auti wapi, abandai kosala nini, aye okoma isika wana ndenge nini. Mais o na tangi bango nyonso soki botali malamu, yake 6. Il y a la province Moussousou. Les restes, oh, Natangi Bangonion, Soba Luba, Kasai. Les restes, oh, Natangi, Ezali, Baluba, Kasai. Et le 6, oh, il y a la province Moussousou. Nakatina Bango, 4 Babala Baluba. 3 batikali moko azali makangu ya topin kabongo. Mususu moko o atikali akoli na IDPS moto ya IDPS. Donc, milouvorize. Est-ce que ndeko oyo azali un président tribaliste ou azali président tribaliste te? Na kati na bango nyonso oyo na tangi. Mutu moko te a part muke, Monsieur Bilomba. Oyo batikali mutu moko te azali expert. Na matière oyo Félix a nommé ye azala conseiller. Et oyo na tangi bazali ba conseiller principaux, ba conseiller spéciaux. Moutou moko te azali expert, je disais, ya matière oyo ba nommé ye azala conseiller ya président de la République. Bon moni ba conséquence, Lwakamboa. Ndenge na uti koloba Lwakamboa azala ki nommé parce que azali un d'abord mouluba. De deux, so ki famille Tshisekedi ba leki na États-Unis. Lwakambo abandai kozanga te na mwa mbongo na yabandai kozwa ya taxi, abandai kozanga te kopesa bango mwa $200, $300, mwa $1000. Voilà. Na ba video na yabandai kosa la partie ya New York, non, a partie ya Washington, e ye ko merite ba pesa ye fonction ya directeur, ya presse. Oyo a yebite presse yango balobaka ndenge nini ba bandaka ndenge nini. Jamais. Je vous ai dit, n'a pas conseillé Nyonso, il y a un accueil Koloba, Madame Chantal Yelo. Madame Chantal Yelo a été aux États-Unis. Pardon, a été au Canada. Na Canada. Ce qui vous l'ouki bon mon ayango, j'ai trouvé ça. Elle a travaillé na social et si ka bagarda ka bakoko. Moi, er moko koko, sou moni, er moko bakoko, sou yi bakoli mingi, Arovanda kabo ya mukwa esali pasi ah mpanzi esali pasi ah linu pasi ah zolwe bukani ah liswe bukani. Donc il y a des gens au batika la kawana en permanence pour que quand même bape sa moi bakoko wana moi painkiller. Painkiller en français c'est quoi? Hein? Bakisi oye diminyaka douleur. Po bakoko même misunya pambe sa la kapasi. Koko rovanda kabo ya mupende pasi. Fuko pesa ye mwa tonga moko boy. Ou bien ko benga docteur aya ko s'occuper na ye. Ou bien infirmier ba s'occuper na ye. Ce que je sais, eza musala ya mabete, eza musala. Madame Chantal Yelou a travaillé là au Canada. Ndenge boyebi na Canada ezali mboka ya droit de l'homme. Canada moto nyonso so okeyi. Nga na kota na manifestation na Canada tami balé na kena akaka pemeni ya hotel na bande ko vande tellement ils a pemeni ya parlement na bango na tala na fenêtre ka aboyé na parlement kuna na zomona lokola bato bazosala démonstration na kiti na rejoindre bango madame Chantal Yelou l'a fait au Canada mais cela ne vous donne pas l'accès au comme conseillère ya président en matière, il y a femme, na il y a droit de l'homme. Il y a jeunesse, femme et droit de l'homme. Jamais. Il faut faire très attention. Na yebi sabino ke na Congo, Congolais andi aboya ka fonction te. Congolais, même azali moutou ya électronique, soki ba nommé ye, médecin directeur, ya bopito, Congolais kondima. Congolais kondima. Je reconnais discuter na ba conseiller Félix Ebélé. Soko tuni bango mais na tango ba pesa ki yo fonction oyo. Oyebi ke oza na formation mokote na makambo oyo. Pourquoi vous n'avez pas refusé o lo bakeno lukelangai peut-être oyo na yebi ou bien o na tanga. Bango nyo so bané ko répondre ngani ne. Prof. Yo kende ko boya ono lukelanga o na tanga ba oyebi so bo ça va to luka mutu msusu. Nabi Mexico yo ondimi. Parce que conseiller d'un président ou conseiller d'un ministre, conseiller à PDG, conseiller Nyonso, ozali technocrate. Ozali technocrate. Ozali politicien te. Moussala na yo, moutou y foue beta, koluka, makambo po ope sa conseil na président, ope sa conseil na ministre. Alors, yo makamba nomé au conseiller au tanga yangote. O tikala ko sala pona yangote. Ozan expérience mokote pona yango. Conseil ni ne ko pesa président de la République. Alors, ba conséquence yango bozomona. Na bango nyonso ndenge bazawana, personne alors, personne o azali ko pesa conseil na Félix. Pourquoi? Ezali motema mabete ke balingi ko pesa conseil na Félix te. Ou bien Félix aza mutuma matoyi mangonge alingi ko yo wa conseil te. Non. Bakoki kopé sa conseil e pa ya Félix te parce que bazali formé te po na makambo wana Félix a nommé bango bazala ba conseiller nango ba yebi lo côté et je vous dirai na ba conseiller Félix o na solola na bango 4 na 4 na bango mo proposé na zala conseiller na bango bango bazala ba conseiller pa Félix hein? Mais il m'a proposé na zala conseiller na bango et un jour na ko bimisa ba conversation wana nyonso et bango nyonso soki mukolo na ko bimisa yango bango nyonso réponse na ngai zalaki toujours ezala toujours je ne peux jamais le faire parce que ko pesa yo conseil ça signifie que na zone di ma Félix est président de la République. Or moi je sais Félix est arrivé là par la volonté d'une personne Kabila. Alors soki na pesi yo conseil yo zui conseil nanga ok pesa Félix, ça signifie que ngai par ricochet nazali ko appuyer gouvernement ya Félix, nazali kondima que Félix azali président de la République. Na ko sala yango te. Na ko sala yango te. Alors, parmi ba conseil à Félix, Herba Monique est bras de fer, je ne peux jamais le faire. Et Bélé, non, Lukelanga ministre, na domaine na ye, na Kinshasa, na Congo, Non, le ministre coréen, où a sa domaine boyé, pardon, la ligne koye, ba li kamoko boyé, ba sa la rangon dengenin. Et réponse nanga toujours, ce que ba mouna bimisi yango, et za la ba chat, et za la ba audio, réponse nanga, ils a toujours, nako sa la yango, jamais. Félix est tribal. Félix est le président le plus tribal, yambo kanabiso. Ba te bele ba comprendre rangate mais ndenge nini yo oya kaka Félix c'est Félix makamuso ya kana ngote ba msusu ki disent non au propos rangate mais na makamuna biso to lobaka ba proposition ezala rangate quand on dit Félix il faut aller fouiller c'est pas une proposition ça esa proposition te bino okansi ke ngai na koyi koya avec ce que je connais na domaine nanga na ya ke bon po na ngai na lingi Félix a sala boye a réformer boye ba réforme ke loko boye je ne peux pas le faire parce que ko sala yango c'est d'accepter le régime de Félix. Moi je sais que Félix est là par imposition, c'est un imposteur, il doit partir. Biso proposition na biso ezali Félix doit partir. Natango mboka na biso kozwa makambo au sérieux, to kozwa makambo au sérieux. Voilà, à ce moment-là, tu regardes ma proposition. Mais pour le moment, botou na biso ka koloba, professeur y a réseaux sociaux propose akate, n'a proposé ni n'a proposé Félix de l'autre côté. Parce que lui proposer c'est l'accepter. N'a rendu ma Félix c'était. Excusez-moi. N'a rendu ma Félix c'était du point de vue intellectuel, intelligence, nandimakayete, expérience, azanangote, nyoso azanangote, nandimakayete. Excusez-moi. Bodimbisa. Alors, nandimaka Félix, c'était, toi yako proposé ni, toi proposé l'autre côté. On ne propose rien. Et même si tu as là qui n'a approche à proposer, proposer qui? Félix, il va comprendre. Parce qu'on propose à celui qui est prêt à comprendre. Est-ce que Félix a cette capacité? Moutounaïe, et qu'il faut supporter ma proposition à Bissot. Parce que pour comprendre ma proposition à Bissot, Félix doit rentrer d'abord à l'école. Il doit rentrer d'abord à l'école qu'on soit ma notion de base. Oye tinda ke moto akoka a supporter ma proposition ya ndengwana et par la suite a comprendre. Or, rentrer à l'école pour la Félix, il doit 6 ans école secondaire. Il faut abandonner là. 6 ans. Et na 6 ans, wana, pour éviter ce qui a passé, classe union se bien doublé. Alors, tozouama marge à manœuvre, tozouama par exemple 8 ans, à Tanga. Parce que dans 4 heures, tu sais, peut-être à quoi doubler classe mi-balé. Il faut avoir six écoles secondaires, tu peux payer moins minimum même à graduat, tu as 3 ans à graduat, à quoi doubler Mbalamoko, tu as 4 ans. Donc, tu as 8 ans à l'école secondaire, tu as 4 ans à l'université, donc au total, 12 ans pour Félix. À comprendre ma proposition na biso. Azana besoin y'a ma prérequis. Prérequis pour na Félix, c'est l'école. Il doit rentrer d'abord à l'école pour avoir ce niveau-là de compréhension. Alors, 12 ans, on a compris déjà. Pourquoi ton yo kwa mato tinde n'école, atanga to zela kaye, to longo la yika ambala moko. To longo la yika ambala moko. Alors, Bandeko Oyonion sur Félix Ayena Bango, Bayebi très bien que, pourquoi Bazali Koyiba? Bayebi très bien que Félix Azali, un citoyen à usage unique. Félix Azali, un citoyen, il y a usage unique. Personne n'a connu qu'on réutilisait Félix. Ezala. Na esika nyonso na mboka na biso oyo ndenge bozola nanga oyo ayebi ke un jour soki akomi président akomi ministre akomi PDG akorekipere Félix na kabine na ye ayebisa ngai akorekipere Félix na mosalani Félix azali un gar ya chance eloko pamba à usage unique. Donc, usage unique, il y a un peu utilisé en bois. Le papier hygiénique. Papier hygiénique, il y a un peu de temps à récupérer. Ma compagnie a papier dans mon coco, mais ça a jeté à papier. Te. Papier hygiénique, sur le bois qui est en récupérer en haut, ça a été sur le papier. Moussous. Donc, Félix Azali, un citoyen qui m'poaka, qu'il faut jeter. Moutou moua ou utiliser en haut sous thé. Moutou ou utiliser sous thé. A ou utiliser yété. Ce qui est le boche tembe, moutou azali a walobi ko skosi. Aye bisangai, yendenge ozo landangai si ko zali. Ce qui est comme président, comme ministre, comme PDG, comme directeur, comme administrateur, et si ka moko boue. Ce qui balobi ou récupéré Félix, ou récupéré Félix na poste nini, pour asala moussala nini. Loba. my goodness. Et loko nakoyi ko lobela bandeko bazali ko yapo na ko yiba et batu nyonso oyo bazo denoncer ko yiba na bango bazali ko attaquer bango. Je pense que je l'ai perdu quelque part. Ezali na bandeko moko ya banque Afri balanceur d'alerte. Il y a une banque qui s'appelle, je pense, Afriland Bank. Bandeko wana bakombo na bango ezali Grady Coco. Et Navi Malela, oyo ba denonce. Félix a yebisi bino ke ye a ye po na kolite contre corruption. E loko etikalika na ba slogan. Me bandeko oyo mi bale ba Kongole. Bazale ko sala na bank oyo ba bengi Afriland. Bango ba constater na kati ya banque wana blanchissement ya bambongo. Kotinda ko bimisa bambongo d'une façon frauduleuse. Ba denoncer yango. Na kati wana Israël na kati. Les gars là mutu ya Israël wana ba américain kutu ba indexé. Po na Congo ba mine na maboko na ye, ye mutazo diriger ba mine. Ye mutu azali décideur ya ba industrie nyonso ya télécommunication spatiale ye mutazo diriger ango parce que ba mine nyonso ba pesa ye bandeko oyo na banque oyo ba denoncer ke botala ba mbongo ndenge ezali kobima botala ba mbongo ndenge ezali kobima. Félix a kangi bango. Erezma ke bakimi. Bakima. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa. Baye ko condamné bango à mort. Donc Félix a condamné bango na liwa. Pona nini? Parce que ba dénoncé. Mais quand le cas qui boyoka qui Félix année na 2019 je pense oui Félix a loba qui makambu ya boussole Israël les ali boussole na biso boussole na bandai ko loba kaka na pamba boyete abandai ko loba ba mbongo oyo bank oyo Afriland ezali ko zwa ezali ko bimisa yango ba mbongo ezoke na Europe ba mbongo ezoke na Israël ba mbongo ezoke ndé partout e bandeko oyo ba dénoncer ba mbongo ndenge zo bima Félix a condamné bango à mort. Ava bo finga ngai bandeko oyo bakombo na bango ya mwana. Grady Coco na Navi Malela. Be formation ezali koleka partout na ba media internationaux. Bazali koloba bandeko o baza condamné à mort, basali lisumu te, bayibite, bazali condamné à mort par le régime de Félix parce que ba dénoncé ba mbongo ndenge zali kobima. Et ce monsieur viendra vous dire yé azali ko lité pour na corruption. Alors congolais azali ko ndima fati béton, c'est que yo muto zali malade. Ce fils de Tshisekedi n'est pas venu pour les Congolais et les Congolais. Naïm Sarabino à tout moment. Moi, na Tshisekedi, oyo, aye po na Congo, po na ba Congolais. Et d'abord, lui-même n'a pas une capacité à co-diriger. Ba tche ye wana po ba manipule ye. Il est facilement manipulable. Azali marionnette. Moutou nous a koui kon manipule ye. N'explique à Kabino. Kabila, po na apo na Félix, ba, mes chers amis. Kabila era vanda qui a raisonné. Problème ya Kabila ezala ki il faut alou kwa mutu moko. Pression et l'équipe mingi atika pouvoir entre guillemets. Alors pour naye alinga ko luka mutu oyo azana capacité ya ko sala musalate mutu oyo ko échouer pour que ba congolais bazala na posa na ye. Pour que ba congolais ba comparer ah na tango Kabila kute ezala ki malamu. Kabila ye ko tala soki na pesi Shadari. Shadari même azali mutu nangai. Shadari na pression ba congolais, Shadari peut changer un jour. Shadari est passé à l'école, il peut comprendre, il comprend quelque chose même si azali barbare. Kabila ye ko tala na pesa na Fayulu, wana se creuser tombe nangai le même jour. Aye ko tala lobi oh. Mais ozo luka luka mutu ko remplacer yo mutu ko tia et si kana pour manipuler ye. Mais bazali mutu moko azali et wana kutu soko ozuye une partie ya Congo ozui bato bazala ka tembe mingi na politique ozui bango ko somba bango Kabila demande c'est qui oh mais Tshisekedi la famille Tshisekedi na kati ya famille Tshisekedi joyeux moko Tshisekedi wa mulumba era monike non ye alinga ka te biloko ne bima kazali traître il faisait semblant d'être un opposant. C'est comme ça il a fonctionné. Abané ko sala semblant que azali opposant. Or azali mutabané ko accompagné ba régime. À part régime il y a Laura Désiré Kabila. Il faut être franc. Tshisekedi n'a pas collaboré avec Laura Désiré Kabila. Laura Désiré Kabila linga qui était parce que Laura Désiré Kabila a compris qui est Tshisekedi même si lui-même Laura Désiré Kabila était un autre traître. Donc deux traîtres bangomi balé babané ko s'éviter. Alors, Kagame et Kakabila, ba yeko analyse, ba lobi bon. Mais ndenge ni tokoyi kozwa mwana ya Tshisekedi wa Mulumba oyo. Tant que Tshisekedi wa Mulumba zali vivant, jamais akoyi kondima mwana na ye akomata sentinelle publique. Ça c'est vrai. Na vivant ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, atikayi kolinga jamais mwana na ye, a même ta beau-frère na ye, Azala à ta sentinelle publique. Jamais, jamais alors. Na lisenyon so batou ba fanatique, ba banaye ko tcha, ya yi de pes ba milouvor. Pour ba satisfaire, ba menoka nsake, wamoulou ba banaye ko linga Félix. Pour ba satisfaire, yi ba mouna ke ba mou pe ba lingi papa, mwana, tika ba tche na liste. So e komi e pa Etienne Tshisekedi, abande ko longona toujours komba Félix. Incapacité intellectuelle. Papa n'est déjà certifié. Alors, Etienne Tshisekedi wa Mulumba vivant. Kabila na Kagame ba nommé Félix et ko simbate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ba bengi Marthe. Moi c'est Etienne Tshisekedi. Ba bengi Félix moi nana ye. A maintes reprises na GLM pa Kabila. A maintes reprises na Kingakati. A maintes reprises e pa ya Tambwe Mwamba. A maintes reprises e pa ya Boshab. Ba ye ko corrompre bango. Papa na bino mobali na yo, papa na yo beau frère na yo, yo pe koto Marthe mobali na yo, a commis des mpaka. Il a travaillé quand même. Wana flatterie ba yai ko pesa bango. A servi rebelle mboka na biso. A banda banda kala. A commis pe mpaka. Alors, siko yo to pesa tour pe na mwana. Mais papa, mama o yebike, papa alinga kate batia mwana ta na poste moko. Papa alinga kate. Alors, loko la komi de Zampaka, pourquoi ne pas ko luka moyen ko kende ko tchaye quelque part, na ba centre kuna na Europe, ape manaye. bakenda na na Tshisekedi balukela yenda kuna Belgique ba yeko mona ke no Tshisekedi afutu mukaka ko futu mukana mono kwa mboka na biso yilingolo ba asekwaka ata asali sambla belia belia belu ko yoka kaka futu muki akomi makasi solution ezali kaka c'est de l'éliminer. Ce que je vous dis, bandeko, ezali lukutate. Etienne Tshisekedi eloko ebomiye. Ezali liyanzi. Na ebite liyanzi. Liyanzi, c'est quoi? Ce sont les chics, hein, en français. Etienne Tshisekedi eloko ebomiye liyanzi. Liyanzi ekotiye na mousapi ya likolo. Baye balongo liye yango. Na tango balongole liyanzi, olie bacha alcool. E desinfecte esika wana. Mutu akomi deja mukolo, bache yangote. Esika balongole ki liyanzi, infection ekoti. Infection na tango ekoti ba meiko trete yango na docteur na ye, bacha mwa ba kisi, biloko andengwana, etenir te. Ma complication est bandi. Bako vanda boye palpitation ye moko o. Oh. Mais li yanji pe sa palpitation boye ndenge nini. Mart et Félix ba yebi yango. Batu ba vanyi na ide pes ba yebi. Ba pe sa ki explication e lo kwe kota ki yena mousapi e zala ki li yanji. Complication e ye. Koma explique Kabila o azali ennemi. Balingi soki balinga ki Etienne Tshisekedi mulumbate Kabila muto apesa avion medicalisé ba mema Etienne Tshisekedi mulumba na hôpital na Belgique na sina beta li solo a partir à Belgique comme est-ce que Etienne Tshisekedi a été abandonné na kata sale mourant moi si na ye azate azana ba magasin ba shopping na Bristol moi na ye Félix na Ibiza oh nyoso bazali koloba soki bantumba soki banani. Famille ya Tshisekedi mingi bazalaki na Belgique. Personne na kati ya famille élargi nyoso ya Etienne Tshisekedi o beta katolo tutu wetu biso baluba Etienne wa Mulumba personne na Belgique alobaki a sacrifier même musala na ye atinda ta mwana tour d'erreur ba yaka kokengela Etienne Tshisekedi wa Mulumba na hôpital esika azalaki ya agonisant. Personne. C'est comme ça les grands frères ya Moïse Katumbi akeko kota na kati ya salle sans garde malade yena Etienne Tshisekedi ya Mulumba mutu agonisan ya kufa ba kota na kati ya salle bango mi balé porte bakangi e likamuni na sala ki kuna na kati e boye mi très bien les grands frères de Katumbi c'est pro Kabila. Kobi mabimi kaka boye, situation ya Etienne Tshisekedi ya Mulumba et sa grave, moutwa koufi. Moutwa liboso to monaki, aye na media, c'était Félix. Na tangwa kote avanda ki kokopere kuna na Ibiza, ba yebi siye ke nobo frère na yo akoufi. Aye précipitamment. Déclaration ya Félix ya liboso. On a engagé équipe moko po basa l'enquête pour déterminer cause ya liwa ya papa nangai bon beau-frère alo bakite papa nangai. Til lo 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, 4 ans. Enquête wane suka boni. Moi, je vous dis, avec banalizo nyoso nazanango, la mort précipitée de Etienne Tshisekedi Mulumba, ezala qui contribue par moi si na ye Mart, moi na ye beau-frère na ye Félix et Kabila. Et c'est Katebe Katoto qui a contribué précipitation wana envoyé par Kabila. Soki na kosi Félix Abimiselabino enquête au alobaki. Ngai papa nanga kufa. Na yebi trebe ke papa nanga kufi d'une façon miraculeuse boy. Na engagé batu pon enquête mbongo ezanga kite. Batu tunyo so ya jama bazana ba jama. Mbongo ezanga kite pona ko engagé ba détective privé. Basa l'enquête wana. Mbongo ezali. Et enquête ezali wapi. Non? Tshisekedi wa Mulumba a été tué par sa femme, son fils beau-frère et par Kabila. Pourquoi? Pour maintenant qu'on soit Félix bien. Parce que ce qui est Tshisekedi Azali, bah qu'on soit Félix T. Kokufa kaka kufi kaka boy. Est-ce que Tshisekedi wa kunda maki? Condition ya kunda Etienne Tshisekedi Azali nini? Poste ya Félix. Bape sa ye poste ya premier ministre. Condition ya kokunda papa na yo. Loko la si mboka o ezali mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ava ba kunda ye ifu dabo stabilité ezala au niveau national. Au niveau politique, stabilité ifu ezala. Stabilité wana mutakosa la mokaka mwana na ye bo frère na ye. Vous pouvez l'enterrer après ce qui a mérité, va engager au premier ministre pour engager yo. Mais la famille de Tshisekedi a conditionné Kokundaya Etienne Tshisekedi, il faut Félix a comme premier ministre. Félix a yeba quitté que va reprendre ses présidences. Kabila a surpris Félix. Félix na tangwa kei na mutu na ye. Même era kené ko annoncer Kabila officiellement na courtoisie que mon père, mon beau-frère est décédé. Koko makomi kakaboye. Première demande de Zalakini n'est pas Kabila. Pona nini lo lingi nga ite na za la premier ministre. Kabila ye mokwa loba yango. Kabila lobi non na katakye kou. Na ebisye non. Eza matanga papa na yo akufi. Même nga moko na tango lora desire Kabila. Kufaki na wela ki nanu te ba post. Ifu ba kundaye nanu. Me yo ye papa na yo akufi. Oye kwa annonce nga. Mais bakunda ye nano makamso to kotala sema oh non ava bakunda ye ifu ngana za la sure ke na za la premier ministre après batwa Paul Kagame Kabila balobi bon ba yebi c'est bon mutu deja te surtout éliminer ba condition ana zo pesa les apamba bo le kaka ambala moko pesa ye pouvoir Kabila surprend Félix c'est que non oyeli pour na pesa yo poste ya premier ministre été na zo pesa présidence. Félix a kweya makari kari. Ya solo, présidence. Kabila na kopesa Félix présidence, a pesa ki ete ke, na pesa mutu moko o azama yele. Po mutu wana abongisa mboka, mutu wana zwa ba decision malamu, mutu wana nome batwa malamu. Non, a pesa ki Félix, paska yebi Félix azali ki yungu. Félix azali mongol. Sa se vre, bampangi ya Vincent. Se vre! Kabila yeba kina Kagame, yeba ke soki to tche mongol. Kagame a profite nango. Parce que soki to tche mongol, nako profite nango, makambo o nani nga yiko salate na Kabila. Parce que soki na sala ango na Kabila, makambo ebele, makambo mususu, batu bakolo ba le Rwande entre eux, ba bobi Kongo. Mais maintenant, Kabila yo vanda nan mwa pembeni, to tcha un mongol, kongole. Comme ça, nga yina profite, agenda nanga nyoso, ebima to profite nango. Kabila pe, yo soke o tche mongol oyo. Il va pas travailler. Ba Congolais après un certain moment, oyebi ke ba Congolais ba bosa na kamakambo. Ba Congolais lelo soke obomi bango, lobi oye ko pesa bango mwa sak ya loso, ba kobete lo maboko. Congolais même oyibi ye, loko la Katumbi. A yibi, a yibi, a yibi, a yibi, a longwe, a ye ko zong sabino na mwa ba sak ya masangu, tout le monde, na katanga, maboko, mutoto wetu. Mais na tango azo yiba ba minere azo teka. Le même katange ba zo funda. Katumbi azo yiba ba minere. Katumbi azo salaboye. Katumbi azo salaboye. Lelo katumbi a longwe mongo a yibi bino ango. A yeko zon kisela bino avec moi 1000, moi 50 000 dollars. A sombi ba sakya masangu, ba farine. A pesi bino mutoto wetu maboko. C'est ça le Congolais. Congolais a bosa na kambangu. Alors, Kabila vanda pembeni. Le Mongol a kosa le loko mokoti, Tu vas revenir. Ba Congolais, bako betre maboko. Lelo Congolais, zo betre Kabila maboko te. Raïs. Zonga. Raïs Zonga. Boyoki angote. Il a préparé ça. Alors, bandeko oyo natangi bakombo ya banque oyo. Ba dénoncer bambongo ndenge zobimba. Si réellement vous êtes quelqu'un qui lutte contre la corruption, batu oyo ezali batu yoko protéger bango, ba pesa plus d'informations sur ba trafic ya bambongo oyo ndenge zoko salama. Mais Félix a fait quoi? Félix a diligenté enquête. Mbala moko ba condamné bango à mort. Croyez-vous Congolais moussousou, à cause de courage, à vani na Kinshasa, eza na ba banque wana. Aya ko dénoncé, nenge bambongo bazo détourné. Nenge ba trafic bazo salango, blanchissement et bambongo bazo sala. Congolais moussousou, à cause de courage. La décision de Félix de condamner ces deux gens, ces deux jeunes gens à mort, ezali alerte de ba Congolais moussousou. Bino wa msuso wo meki ko denonse makambo ba detunoma ya mbongo awa, bino pete kondane bino amor. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Tout le monde congolais nyon sazali ko loba ko ganga. Félix Bato nyon soye na bango na présidence un d'abord. Bazali ko consommer mbongo ya trésor public pour rien. Yo moko lobi ou échoué. Si Félix a échoué, banani ba aide Félix pour échouer. Bato na ye ba conseiller na ye oyo. Ba aide ye pour échouer. Mais eloko nini azo zanga po alongo la bango. Azo sala kaka ba fusion, abomi oyo, mais alongo li bato te asali kombo mususu. Kongole abeti maboko. Wa beton. Mais il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Alors, est-ce que toi, il y a une réforme dans Mboka na biso qui est Mboka na biso a 5 ans. Il y a stand-by. Congolais n'yon soit zonga classe. Et ça, c'est une idée moko folle. Hein? Qu'à un moment donné, qu'on arrête et Congolais nyoso azonga classe. A keneko zwa kour ya civisme. A ye ba importance ya mboka. A ye ba ndengini na ko défendre mboka. A ye ba ke mboka na personne ya ndeko na yo. Ya mouta tribi na yo. Mboka eleki. Mboka ezali dénominateur commun. Soko moni moutou moko a tribi na yo. Azali koya. Elimine ye. Parce que mboka ezo pesé. Ezali dénominateur commun. Ezo pesé. Mais si ko na Congo tozo mona nini. Batou bazo. Sa la table rase na makambu nyon so o ezali koya. Ya mboka na biso. Au détriment ya batou a tribi na bango. Mais, nazomo na sikoyo, ba milouvor. Na yemi wa kombu na bango bien bien te, ba leka amingi na ba chaîne na bango baza nango. Bozomo na langage denge komi. Oyo sango, bo solo na politique. Bo mone deja, ba bani o comprendre biso. Mais en réalité, il fallait ba ya, soki baza batumoko bazali humble, d'abord, avant qu'on rejoindre biso, il faut demander d'abord pardon. Que bandeko en tout cas pardon, to bandeko contredire bino pour rien. Ndeko na biso pa zali idiot. Sango. Bo solo na politique. Qui encore? Il y a un autre là on a outi ko lo ba un jeune garçon là zola ta lunette boy. Yé pa changer, yé kuta koti na chiluba grave. Mayami se bimi, mayami se bima yo pona nini. Bobane kwa atake bisoti. Natango tozwe bisabino ke bolanda ka biso. Votre frère ici ne fera rien. Frère Oyo, à Kosa le côté, je vous ai dit, je le répète à tout moment, qu'on peut laisser Félix seul. Nous avons quitté ce Banzelou Naye Nyon Sopon à Félix. Félix soit Azali toujours dans le leadership, dans le tout à leadership. Et nous avons quitté ce Banzelou Nyonso. Félix a Kosa le loco mokote. Bonjour papier, déposer Félix, bonjour papier, babik, bidon, kolia, enfermer Félix dans une maison. Aya gobimana projet de société. Ndenge botika ki, ndenge bokoutaye. A ta phrase, moka wokomate. Aucune idée. Et ça li blague te, to yaka te poto, to blague na, na bato. On n'a pas ce temps là. To zan a temps wana te. Le problème na Félix ezali kaka ba Rwanda te, problème na Félix ezali kaka Kabila te, problème na Félix ezali kaka régime te, problème na Félix ezali capacité intellectuelle. Ike leve ezate. C'est prouvé. Na famille na yemoko certifié par son père beau-frère. Batou nous wa kutana na Félix au niveau politique. Ba yebi yango, ba lo bakango, parce que ba Congolais baza ba hypocrite, moye ba lo bezate, na kolobate, so ki na lobi peut-être un jour, Félix a zana besoin, nga kwa pesa nga poste, na kolobate, ba hypocrite, ba flatter. Ils connaissent tout le monde, de Fayoulou, ba Mouzito, ba Kamere, tout le monde, ils connaissent que Félix Azali na déficience intellectuelle. Ba yebi yango, mais ba lobakate pourquoi? Ba lobaka parce que ceux qui na lobby, bon, yepe kabila moutoua tchena moutoua amboka, peut-être moi carton ambonge koyate. Ceux qui na lobby, carton ambonge koyate. Ceux qui na lobby, menace koya. Mais c'est une réalité. Bande ko nous bazo supporter Félix, ba yebi Sabino, na eloko nous bazo supporter Félix. Parce que Azam moutoua tribune na bango. C'est tout. C'est tout. J'aimerais mieux un jour na me taire. Ce que quelqu'un de Félix vienne ici, aye bisangai que non, en tout cas M. Yombi, et sikawana ozana lukuta, et sikawana ya solote, voilà, Félix a une déficience intellectuelle, te, voici ma preuve, voici ma preuve, voici ma preuve. Ti lelo moutou mokote ako yako ye bisangai que Félix aza mongol te, Félix aza idiote. Moutou mokote, oh, nous sommes pas attaqué nga ko yoga kaka ke no tribalisme, mais idiosi na ye, na tribalisme, ezaliete. Moi, j'ai dit Moutou, il y a Félix Azali Mongol, Azali idiot, déficience intellectuelle. C'est vrai. Alors, na lingi pe na pema, na kanga munoko nangai, boya na preuve, bo la kisanga ke, en tout cas, tala yeloko Félix Azali. Commençons d'abord, bana o babota ma ba Mongol, na classe batika rabango wa kende classe te. Na école maternelle, soki batiki yebo, po nanda ku derangement yemoko, ko lela lela. Mais soit comme disait Mukolo, nanda pa ko lela te, a ko vanda kimia. Félix est parti d'une école maternelle, c'est vrai. A eu diplôme à l'école maternelle. Ça, c'est vrai. Félicitations. Mais ma classe est Tikali. Nanda quoi comment qui dérangement, a zo le la soute. Alors, déficience est Zali. Botika yava nananda, au lieu famille, ezwa soni na école. Et, wana mwana nani, a joué combien? 10%. Mwana nani wana, mwana etienne tisekare moulumba, soni na famille. Alors, bo bimisaye na classe. Avant d'aller à Nandako, à Zelaka, ce qui va fond chibaye, nambongo diamant, elle va pèser papa na bango, elle azobima, moi kamar, et pas ya Félix, ça qui ne ressemble li pas. À Zela, batu ya hôtel, le col a failli, ou ce qui a yé, kota la etienne tisekedi, natango wali ko bima, moi kamar, vie na somba ta, moi mbolongo mère, lambi, matamba ya pamba. C'est comme ça qu'il a évolué. Balongole na kishasa ke na Belgique. Moi si abala Félix, abala ye Pascal Zali, moi na ye Tien Tshisekedi Mulumba. Cette femme-là, si Félix n'était pas fils de Tien Tshisekedi Mulumba, Nyakeru n'allait pas se marier avec Félix. Ça c'est vrai. Madame Nyakeru et si Kazali na conscience na ye a yebi. Ce qui Félix a zala ka moi ne Tien Tshisekedi te, Madame Nyakeru a liye ko bala Félix te. Aliga abala ye ponanin. Poto yibi bandego na biso abasi, babala kabiso mibali, bon, encore, pour Rwanda, beauté, il faut être là. Mambongo, il faut être là. Moussala, il faut être là. Ce qui Félix a zala, comme moi, n'est-ce pas qu'il dit? Est-ce que Nyakeru allait se marier na Félix pour la beauté? Je ne parle pas. Je ne pense pas. Alors, soit c'est la moine et sécurité. Chômeur, dans 54 ans. Nyakeru a l'inga balaye, je ne pense pas. Alors, Nyakeru s'est marié avec Félix parce que Félix est fils de Tien Tshisekedi wa Mulumba, a l'inga y kakana bala moana politicien. C'est tout. C'est tout. Bande ko basi o bozo la nangai, nani atombo la mosapi awa, soki Félix a zalaka moutou ya moana ya moutou akata kambila na bandundu. Mwana mutu alandaka bampuku na bandundu. Nani akoyi ko bala Félix? Bolo mana ba vesti wana zo lata na mbongo na biso ya peyi. Bozo a Félix era zale kalabo moni teni moko azala ngo na lipa. Senti rezate sous vêtements izo monana. Bozo a Félix na photo wana. Bande ko basi bazo na biso nani akoyi ko bala Félix na ndengo wana. Nani? Mwana pe ya mutu akata kambila na bandundu. Non, Madame Nyakeru a bala Félix parce que Félix a zali mwana tente sekere wa Mulumba. C'est tout, il comme soute. Alors, pour vous comprendre que Félix a zali ndenga zali tozoloba, bolongo la kombo tente sekere e pa ya Félix. Enlevez ça. Vous allez voir qui est Félix. Vous allez voir qui est Félix. Ah oui, hein. Ah oui. Nga babala kangai papa na nga kuto ayeba na gite, infirmier quelque part. Pauvre moko boy. Ah, moi er moko pe moi, hein? Moi beauté scientifique. Ah. O tchepe litoi et leki. Oh Dieu. Boka la biso ezaba. Même Nzambe en tout cas zo se distraire na ba anzelu na makamazo ya Congo. Ezo se kisaba ngo. Ah, Nzambe ba stress ezo kufa na makambezo ya Kongo. Makamunazolo ba ndeko mokote ya mwasa kwa hiko bala Félix. Ça se justifie. Bano bazo bota malele na ba maternité na loba yango deja. Nani boyoki ki na maternité moko boye mwana songolo abota mi ba pesye kombo Félix Tshilombo. Nani, aloba. Ba président ebele na monde, na Allemagne so okeyi koyoka ba Merkel ebele. Na États-Unis okeyi ba Obama. États-Unis kakate na monde okoyoka Obama. Mwana bota mikombo nani mobali. Kombo nani? Obama. Mwana bota mikombo nani? Merkel. Mwana bota mikombo nani boy? Yangape Yombi na Mbujima ya Zali. Abota mi penza Patrick Yombi ya Zali. Mama nini? Oa zo landanga lelo. Oa koyiko bota mwana ya mobali na maternité. Ezala ya mwasi. Azwa komba Félix apesa ye. Me mwana na kozwa. Excusez-moi. Alors, c'est juste kotakine, mais en tout cas, le fond, ezali likambu, toujours ça la blague. Et bande konabiso oyo, bazali menacé à mort, ba kondana bango déjà à mort. Congolais azotala, Congolais azokipete, eza problème na yete. Congolais a problème na yete, o eza pays ya Félix, mboka na bango, atabale, nyoso bako sala, ezali mboka na bango. Me kole la pe bozo tikate, kole la lela, biso nzala, biso pasi, biso boy. Me mbongo na binu ezali, mbongo na binu ezali. Batu bazo sakala nango. Batu bazo sakala nango. Lika mususu batu balobi coronavirus oyo, ba vaccin na Congo eye. Bon, pour ces vaccins, mes chers amis, position nanga ezaboye. Ceux qui disent que ces vaccins ezali pona ko boma ba africain, vaccin o ezali pona ko boma ba tout, pona ko stériliser bango, pona ko... c'est pas vrai. Mes chers amis, ceux qui vaccins ezali zwa yango. Pourquoi nazali ko loba boye? Si réellement na idée na bino bozana ngo que les occidentaux veulent éliminer les africains na ba vaccin na bango, si c'est vrai, mais les occidentaux ba causer la vaccin té pour ba éliminer bino ben distri nyo se tondi na Afrique ezali ba industrie ya ba occidentaux tokene na ka ya Congo bralima eza ya banane lelo soki ba occidentaux balingi ko éliminer ba congolais mais bako tiela bino ba molecule moko na kati ya masanga bozo mais la chaque jour boko kufa bako stériliser bino. Aujourd'hui, les Occidentaux, bah, quand ils ont un produit, oh, bah, tchaka na maï, na régie des eaux, na cadre à cadeau, parce que au Congo, il n'y a pas de laboratoire pour tester, bah, produit, ou anezoya. OCC, ce qui OCC, bah, ça, comme ça, la ni. OCC, quand on est, bah, ça, n'a bah, yoki, kopa, bah, poulet, périmé quelque part. OCC, bah, aucun de mbango, pour bah, pesa, bah, mbongo, bah, kote, ça, bah, poulet, on a périmé. OCC, ce qui, bah, yoki, en Europe, ezaline, na babiloko, moko, yakolia, balingi babwaka osese ba okene mbango bake okopere boya na ngona mboka na biso ba déchets toxiques en Afrique bolanda histoire ya ba dossier toxique de la France jusqu'à la Côte d'Ivoire c'est coopéré par des Ivoiriens. Alors si les occidentaux veulent réellement vous éliminer ou vous stériliser ils vont le faire na ba moyen belé ba cause la vaccin ya Covid té mes chers amis ba cause la vaccin ya Covid té. Oh. Des fois, nous avons comprendre le raisonnement de Bisso et Woutaka. Et ça, c'est ce que je veux dire. Je veux produit que je veux dire Congo je veux dire Masanga je mela, ba sucre bozo mela, coca bozo mela, ba fanta bozo mela, ba vitalo bozo mela. Bango batu bazo salango. Lelo bako yiko yana produit moko place bazo, na usine na bango. Bako yiko produit oyo, eza, par exemple, colorant. Pona mai. Produit O, par exemple, les ali colorants, pour la masanga, pour la sucre, bocha yango. Nous avons na kati ba tchè biloko pour la stériliser bino, pour la koboma bino. Boko koufa. Les Occidentaux ne vont pas attendre un vaccin pour éliminer les Africains. Mes chers amis, s'il faut se vacciner, ceux qui les ali, faites-vous vacciner. Bato oyo bazali ko koufa, ce qui va vacciner à koufi, il faut voyer que réaction ya vaccin na moutonou, c'est la randenge mon côté. Bato mousso soy ba pesi au vaccin, ba voyez biso ke. Après quelques heures, vous allez la fièvre. Batoum sou zui vaccin au Royoka après quelques jours, Royoka mou moukousa. Batoum sou sou ekosa le lokote. Batou oyo bomoni ke no ba pesye vaccin, a koufi ou bien a yoki boye, et zali nege vaccin na e réagir na système na ye. Alors, na bamboka o to vandi libanda, ba vaccin o ba zo pesa batou. Tozo kende moulongo, les noirs, les blancs, les asiatiques. Bisonyon so moulongo tozo kezo a vaccin. Est-ce que vous subo moni, bake ba fungoli carton na bino bovani na diaspora, ba fungoli carton ba vaccin, mundela ye, ba vaccine ye, moutou mouindwa ye, ba longoli, ba zui vaccin na carton moussous, ou liye ba zwa esika, ba zwa ya mundele, bo moni yango, c'est pas vrai ce qu'on vous dit. C'est pas vrai. Mes chers amis, beaucoup qui pèsent argument, nous sommes qui pèsent ça. Moi, je vous dirais, c'est pas vrai. Si les Occidentaux veulent éliminer les Africains, ils ont beaucoup de moyens à le faire. Parce que c'est la vaccinité, c'est pas vrai. Laissez les gens se faire vacciner, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, voilà donc 1h30. anecdote, na Congo balobi vaccin, juste pour vous faire rire, hein? Na Congo balobi vaccin, soyez, batoliboso, les peuples d'abord. Soki balobi, on va appeler ça Félix, Félix alobi, non, les peuples d'abord. Pour na Mbongo, Félix yé d'abord, famille d'abord. Mais pour le vaccin, Félix a lobby, non. Vous voyez, slogan, ils allaient les peuples d'abord, vacciner d'abord les peuples. Alors, bataille des peuples, Batia Moulongo d'abord, va vacciner Bango. Va Milouvor, Batia Moulongo va vacciner Bango et les restes, va volant après. Mais, ma position est que, mes chers amis, s'il faut se vacciner, faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Bisous, tu vas dans les bandes en Boka. To moni ndenge bazo vacciner batu na moni esika moko te que non vaccin yangoyo au lieu ba vacciner batu mwindu bazozwa vaccin mususu ba mindele vaccin mususu, c'est pas vrai. Et bande ko na biso ba infirmier na ba infirmière ba congolais bazali libanda peuvent témoigner bango batu bazali sika bazo vacciner batu bango batu bazo vacciner batu est-ce que ba vaccin bazo pesa na batu mwindu na o bazo pesa mindele ezali vaccin mon côté. Et ça vaccine mon côté? Bon. Merci pour na lelo. Ndenge tolobaka bomoni déjà biso ba oyo en réalité ces jours ici futozo akaba ba pardon et belé na ba te belé excuse et belé ah soki batu oyo bazana culture ya kosenga pardon. Mais bazana la culture ya senga pardon te, bazana la culture ya s'excuser te. Bango wana na culture na bango ezate. Mais en réalité toza batu moko foto zwaka déjà ba message ya ba pardon, ba message ya excuse parce que bango moko ba bandi moko moko ko comprendre. Bango ba bandi ko comprendre moko moko que tozali na un kiyungu à la tête de notre pays, c'est vrai, ezali lisumu te. Bana babota makandengo na mwana musu abota ni malamo. Mwana musu akobota manaba deficience intellectuelle. Eza kofinga te. Bamboka tovandi komana ba centre moko, ba centre ba komana porte na mir. Centre ya batu oyo bazala deficience intellectuelle. Est-ce que bafinga kabango? Bafinga kabango te. Siko soto lobi ke ndeko na biso Félix azala deficience intellectuelle. Injire uti wapi? Eza injire? Eza injire te, c'est naturel na bota mabongo. Eza eloko ya mawate, même si eza di, bon, eza eloko ya koyoka mwa mawame, eza eloko ya sonite. Parce que abota mabongo, nzambe mutasala ye bongo, c'est comme ça. Boko misa ye, intelligente boko kokate, parce que 2 ans yangoyo, si vous avez cette capacité de transformer Félix à comme intelligent, mbede bosi bo sala yango déjà. Voilà, tout le monde a zomone la ye, tout le monde. Rwanda a zomone la ye, Uganda a zomone la ye. Famille na ye azomone la ye. Famille politique na ye azomone la ye. Ba Congolais ba zomone la. C'est tout le monde qui en profite parce que Moutaza wana za ki yungu. Bo sala noki. Bo sala noki, bo profite, bo sala noki. Soki a longwe bo koka soute. C'est ça. Alors, faute nanga? Deza faute nanga te? Merci. Nenge te lobaka. Un idiot waza idiot moko. Des idiots sont des idiots, 3 idiots sont 3 idiots. Ba idiots sont qui ba koki 1 million. Ezali parti politique. Ces partis politiques, c'est l'UDPS. L'UDPS est constitué des hommes et des femmes de tribus. Ces hommes et femmes de tribus sont des millevores. Les millevores sont des citoyens congolais, génétiquement tshisekedisés, qui ne raisonnent que sur base de leur tribu. Nyon soboko loba. Oyo akaka, bozali ba tribalist. Nzoka ba tribalist ezali bango. Kongole nyon swa yebi na mboka na biso. Même si tribalisme ezali quelque part, mais ezali na niveau mokote avec les kasayens. Ba kasayens bazali solidaire. Je dis bien kasayens loba. Bazali solidaire entre bango. Mutumsu swa ye na kat, chiluba ye bandi. Nani asia kenda na grupa kuti ba luba bazol ba chiluba, ba yebi ke ndeko oyu ya yebi chiluba te. Oye na grupo koti kakabo yembala moko ba change munoko. Soit français, soit lingala, po yo comprendre. Jamais, bango ba luba kaka chiluba. Même oye, débris toi. Soki ba tche muluba quelque part, suite nyon so ba luba. Muluba nyon so pesa ye papier, sala liste, otinda délégation ba congolais. Back in the Europe, back in the Amérique, back in the Asie. Fais sa liste, on a papier na Moulouba. Sa la liste, ba Congolais, ba ne vous représente un boka na biso. Okomona, Kazadi, Chilomba, Bilomba, Ntumba, Mwanetu, Chiyoyo, Bango na Bango. Boche tembe. Natanga le nouveau combo, natanga ki la fois passée. Au Canada, 200 sur la liste, 12 Wambombo. 200. Ba représente Congo. 200. Mobutu a pesi confiance. Bon, contrat kuna 200 Congolais bakende. Zairois, à cette époque là bakende. 12 Wambombo, banda numéro 1. Ti numéro 200. Kasayen Luba. Bangona batondi na Canada ye belé. Bakoma kuna air wana vers les années 80 wana. babota babota babota ba combien belé oyo Paul Tsapou il y a droit de l'homme quand il va dans Genève azo représenté ba ONG il y a droit de l'homme il y a Congo batu o bazo ya na délégation ezali ba ONG ba ONG ba différentes provinces ya Congo lukuta banda lista li bosoti na lista suka bana na ye ba cousin na ye alors wana yango ba bengi ba milouvor donc comme je disais ezala ki mot de la fin merci pour na Hollanda biso merci pona kokabola video na biso na senga na bino toujours ba video na biso botinde lango ba milouvor parce que biso tozala bilongi ya kokangate on s'est sacrifié pour ce pays eza mboka na biso mboka soki kufi a quoi bon biso tozala parce que mutunyo azalaka fier pona mboka na ye soko zangi mboka fierté silio botala ba palestinien botala ba twa roninga ya birmani bazana mboka te kimia ezate esika nini okende kozala na kimia okende awa mupaya okende awa mupaya me kozala lesse na mboka na yo me botala mboka na biso moko Congo mboka na biso moko Congo congolais akoiko vivre te un rwandais peut venir au Congo il va vivre comme un prince un chinois peut venir au Congo il va vivre comme un prince mais pas les citoyens congolais alors boya koyebisa biso ke mwana mboka azwa pouvoir bino lo baki mwana mboka azwa pouvoir biso lo baki mwana mboka mais to baki mwana mboka azwa pouvoir mwana mboka ya idioté to baki mwana mboka ya kizengi te to baki teke mwana mboka ya mongol to baki mwana mboka responsable o azalina bongo akoyiko défendre mboka na biso voilà un gars qui passe à la télévision France 24 na ba président mususu bazo tourner makamba ba conflit ba tourner makamba conflit ya Sahel. Mais il y a un conflit à Rwanda, et il y a Congolais en partie qui cause. Conflit à Angola, et il y a Congolais. Est-ce que Moutou est idiot? Si vous avez dit que c'est la présidente, non? Non, vous avez dit que c'est une vidéo. Les journalistes s'appellent Alain Foucault. Akutanaki na Félix, ensemble Félix, président de Tchad, président de Mali, na plateau Moko. Kende zwa vidéo wana. Tala ba question azo tuna ba président wana, yoka ba réponse à ba président wana, mais yoka réponse à Félix. Pesa commentaire na yo na conflit eza na Sahel, bino pe na Congo, makamba ndenge na yela bino. Réponse na ye ezali oui, biso na Congo na kokende kutu plus na au niveau régional, ce qui se passe au Rwanda, c'est causé en partie par nous les Congolais. Ce qui se passe en Angola, c'est causé en partie par nous les Congolais, donc les Aïrois. Voilà, ça c'est un président. Moutou ndenge wana na era zongi na pays. Parlement ko sa la motion. Le président doit s'expliquer. Mais na Congo na biso parce que il faut qu'on dima moi na Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Il faut qu'on dima yeka kabongo. Merci. Mais jour ezali. Allez. Samedi à malamu lelo ba live ezé belé bo landa batu mususu pe. Weekend ya malamu bo mela mingi te ba toa confinement respecté ba norme. Et voilà, Tokutani la semaine prochaine, mais ça peut arriver aussi Tokutani sous lobby, ça dépend de l'actualité, il y a mon cannabis. Et à point à souk à l'ingani Koloba, Nabosanaki, Kabila est là à Lubumbashi, l'exil le plus court du monde. D'abord, Batoyo, Naïm Sarabino, qui est Bato Bazama Yelete. Franchement, Bazama Yelete. Parce que dans l'air, il y a Kabila qui est en exil. Avant de faire le kouta, il y a Bongo. Vérifiez d'abord avant de faire le kouta. Parce que sinon, Bino Kakabozo il y a toujours un idiot, ridicule. Avant de faire le kouta, Joseph Batindi est en exil dans Dubaï. Vérifiez d'abord est-ce que Namboka wana ba accepte d'exiler. Vérifiez d'abord si ce pays-là est signataire. Il y a convention à Genève relative à réfugiés ou bien protocole nango. Mboka wana a accepté ba réfugiés, mais vous envoyez Joseph Kabila en exil na Dubaï. Il faut que ça soit idiot. Et maintenant qu'il est rentré, bolobini siko. Il faut se taire à un moment donné. Bosomba ta moi Sonia ta jour moko quand même frère. C'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, merci beaucoup, mes chers amis. Déconnectez-vous et tout koutani prochainement. Au revoir et bye bye.